Quand t'as chié, que t'as vraiment tout raté, que tous tes chums t'ont lâché, que t'as tout dû s'écrouler. Quand t'as tout perdu, que tu te retrouves dans la rue, que c'est là qu'on pense que tu te tues. Oui, c'est là je pense que tu te tues. Ah, ah, ah, ah. Tu restes quand même drôle. Ah, ah, ah, ah. Tu restes quand même drôle. Quand t'as des frissons, quand t'as tes noirs, que tu mourrais ben à soir, que t'aurais rien que le goût de boire, que tu mourrais ben à soir. Quand t'as des frissons, couché au fond de ta boîte, au fond de ta boîte de carton, installé en dessous du pont. Ah, ah, ah, ah. Tu restes quand même drôle. Ah, ah, ah, ah. Tu restes quand même drôle. Tu restes quand même drôle. Tu restes quand même drôle. Tu restes quand même drôle, même quand ça va mal. Oui, tu restes quand même drôle, même quand ça va mal. Oui, tu restes quand même drôle, même quand ça va mal. Ouais, tu restes quand même drôle, même quand ça va mal. Ah, ah, ah, ah. Voilà. Oh là là. Une fois, mon ami Danny Lemay est venu chez nous. Il m'a dit, Joël, Félix Leclerc a déjà dit, dans une vie, un homme a plusieurs vies. Et ça m'a marqué tellement. À partir de ce jour-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment vrai. J'ai eu une vie de jeune chanteur folk, désespéré. Puis là, je suis rendu une espèce de... je sais pas quoi, là. Faut pas chercher à comprendre. On va finir avec une dernière chanson. Aïe.